Poilu, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Première salle. Des braves à trois poils. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour les multitudes en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen. Putain, le salopard, il s'envoie du bon wrestling pendant que nous, on n'a même pas la piste de nos chevaux pour nous désaltérer. Chut. Tu blasphèmes, Biribi. C'est pas bien. Le père Trouillot est un saint homme et Dieu nous protège. Du vin, tu parles. C'est une coupe de sang qu'on boit par ici. Tais-toi. Tu ne parles pas comme un bon chrétien. Et dites-moi, Kouma, sans vouloir être désagréable, je vous croyais animiste, vous, les Africains? Je ne suis pas africain. Je suis français et catholique. Mais ça, évidemment, vous ne pouvez pas le comprendre. Dreyfus. Ah bon? Et pourquoi, évidemment? Parce que t'es juif. Dreyfus. Et que vous, les juifs, vous n'avez pas le même dieu que nous. Ah mais ouais, je suis con. J'ai le même dieu que les Allemands, moi. La mort! La mort! La mort! Dieu de tous, la mort! Dreyfus! Blasphémateur! Impie! Fils des fils du diable! Journal de bord du capitaine Raoul de Bord, 5 octobre 1915. Ce matin, à l'aube, j'ai observé un escargot rampé sur le fil d'un rasoir. C'est mon rêve, c'est mon cauchemar. Ramper, glisser, le long de la lame d'un rasoir, et survivre. Les taxis de la Marne. Tout ça est déjà si loin. Je vais en prendre un, avec Camille dans mes bras, dès demain. La relève doit arriver aujourd'hui. Mes hommes l'attendent, moi aussi. Ils méritent de descendre du front, de bénéficier d'un peu de repos. Dis donc, groin de cochon, pendant la permission, tu vas enfin pouvoir enlever ton masque à gaz. Je sais pas, je suis habitué, on sait jamais. T'es vraiment con, hein. Comment t'espères embrasser la gueuse avec cet attirail? Il y en a qui aiment, hein. De sacrés perverses, alors. Tu dois aimer ça, hein, mon gros groin de cochon. Bon, allez, foutez-lui la paix. Groin de cochon, masque ou pas, il a combattu comme un chef. Bah c'est ça. Et nous, on s'est comportés comme des brandzangs peut-être. Pas dit ça. J'ai même presque aimé combattre à vos côtés. Eh, nous aussi. On a préféré vous avoir avec nous, Dreyfus. Vu comment vous nettoyez les tranchées des Boches. C'est vrai que dans le genre nettoyeur, Dreyfus, tu fais pas de quartier. Et pourtant, j'aime pas ça. Je fais le boulot, c'est tout. Et toi, Biribi, après la perme, tu rempiles ou tu retournes en Algérie, au Bagdad? Jamais plus le bagne. Je préfère encore les Allemands aux Chaouches, ces gardes-chourmes sadiques. T'imagines pas ce que c'est que de croupir là-bas. De la boue, comme ici, avec la merde en plus, et les vers et les mouches qui s'en donnent à cœur joie. Arrête, hein, je vais gerber. Avec ton masque, tu risques de t'étouffer. Hé, hey, toi, coin de cochon, tu devrais te lancer dans l'art, le vrai. Fous-toi de ma gueule aussi, c'est jour de fête. Mais je plaisante pas, ton talent à faire d'une douille un cendrier, c'est de l'art brut. Comme le poète. Hein, Guigui? Tu comptes faire quoi, toi, pendant la permission? Continuer dans l'Alexandra ou passer à l'Alexandrine? Ah, la poésie, c'est ma vie. Chez moi, les vers, ils ne bouffent pas les chairs. Ils donnent du sens à l'âme. Je comprends jamais rien à ce que tu dis. Moi non plus. C'est ça qui fait le poète. Allez, on sort de cet enfer. Au moins pour quelques jours. Oh. Regardez-moi cette baïonnette, ma petite Rosalie. et en amener à la jouissance des Allemands. Ma Rosalie à moi est bien plus en rondeur que la tienne. Elle m'attend au Cafcons. Je lui ai écrit une ode sans fin. Elle aimerait pas plutôt tâter un peu de ton verre le plus vivace? Messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Quel genre, mon capitaine? Je n'ai pas reçu la missive de l'état-major concernant l'Arlève. Ça veut dire qu'on part pas en Perm? Une allitération. Tous aux abris! Y a quelqu'un? Oh! Oh! Y a quelqu'un par ici? Vous êtes la relève? Relève? Comment ça, toi, quelle relève? Colonel Frédéric de Varney, escadrille de chasse VB-106. Capitaine Raoul Debord, 115e d'infanterie. Ce satané Hermann Göring m'a bien torpillé. Capitaine, enchanté. Vous m'hébergerez bien quelques jours, le temps de remettre mon Nieuport bébé en état. Mais bien sûr, mon colonel. Appelez-moi Baron, tout simplement. On est entre tiens d'aide. Nous sommes surtout entre maudits. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet avec Olivier Clavry, Pierre-Jean Pagès, Didier Brice, Laurent Ferraro, Julien Alouf, Donatien Guillot, Laurent Lederer, Alain Fromager et Henri Alexandre, Julien Aluguet, Bertrand Farge, Léonard Paté et Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boissé, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zang.